y a deux légendes coriaces que l'on retrouve tout au long de l'histoire des sciences. C'est sans doute la pierre philosophale, la transmutation d'un métal en or et la cape d'invisibilité. Si les chercheurs ont à peu près renoncé à la première, c'est loin d'être le cas pour la seconde. Les recherches en métamatériaux permettent aujourd'hui de rendre invisibles des objets à différents types d'ondes, qu'elles soient sismiques ou électromagnétiques. À quand un dispositif qui permettra de réfracter les ondes lumineuses et de faire totalement disparaître un objet à notre regard ? Matériaux de camouflage, tout doit disparaître. C'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire toute la lumière sur la recherche en matière d'invisibilité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici à la Maison de la Radio André de Lustrac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre, chercheur au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie de l'Université Paris-Sud à Orsay. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Provence à Aix avec Sébastien Guénaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS à l'Institut Fresnel d'Aix-Marseille Université. Vous pouvez suivre cette émission, et bien comme chaque jour, sur les ondes de France Culture et en parallèle et en simultané sur notre fil Twitter @laméthodefc. Bon, écoutez. Alors, cette merveille technologique, elle arrive ? Votre nouveau véhicule, le savoir-faire britannique dans toute sa splendeur. J'imagine que vous plaisantez. Comme je l'ai appris de mon prédécesseur Bond, je ne plaisante jamais à propos de mon travail. Aston Martin l'a conçu pour le plaisir des yeux. Nous nous l'avons fait disparaître. Alors là, bravo. Camouflage évolutif grâce à une batterie de micro-caméras qui projette les images qu'elles enregistrent sur un revêtement constitué de particules électroluminescentes polymérisées et la rendent quasiment invisible. Voilà. Vous avez inévitable extrait de ce fantasme civil et militaire du véhicule rendu totalement invisible par des technologies de pointe. C'est un extrait de Meurs un autre jour. C'était en 2002, il y a 16 ans déjà. Alors on entend des batteries de micro-caméras qui projettent les images qu'elles enregistrent sur un revêtement constitué de particules électroluminescentes polymérisées. Ce qui est évidemment pour vous deux, André de Lustrac et Sébastien Guénaud, du charabia pseudo-scientifique absolu. Oui, sauf que BAE a montré un véhicule rendu invisible, mais par une méthode qui est beaucoup plus rudimentaire. On filme le paysage qui est derrière le véhicule et on le projette sur des écrans qui sont placés sur la paroi du véhicule. Et du coup, le véhicule disparaît puisque l'image du paysage apparaît sur le véhicule. Et c'est un prototype que BAE a montré, je crois, il y a un an ou deux ans. Et qui est assez simple à réaliser. Sauf que ça ne marche pas dans toutes les directions, mais au moins dans la direction dans laquelle on regarde, ça fonctionne. Sébastien Guénaud, ça vous fait sourire combien sur une échelle de 1 à 10, ce James Bond ? Ce James Bond, 8. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Plus sérieusement, les recherches en camouflage, on va en parler tout au long de cette heure, ne consistent en fait évidemment pas du tout à reprojeter une image sur une surface à dissimuler. Sébastien Guénaud, c'est exactement l'inverse. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à rediriger les ondes qui sont émises par exemple Alice. Donc Alice regarde André, et entre Alice et André, il y a Harry Potter sous sa cape. Et ce qu'on veut faire, c'est que les ondes qui sont émises par Alice et qui arrivent à l'œil d'André ne traversent pas l'objet au centre. Donc elles soient en fait détournées par la cape, de telle sorte que les deux personnages se voient, mais ne distinguent rien entre les deux. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de modification de la lumière. C'est-à-dire que la lumière fait le tour de l'objet, mais pour l'observateur extérieur, il a l'impression qu'il n'y a pas eu, il n'y a vraiment pas d'objet sur le chemin de la lumière. L'image que l'on emploie habituellement, c'est l'image de la pierre dans un cours d'eau, dans une rivière, André de Lustrac. C'est-à-dire qu'on met une pierre dans une rivière et si on est de l'autre côté, qu'on ne voit pas la pierre, l'eau arrive de la même façon comme si elle avait contourné la pierre. Oui, c'est une image qui est assez simple à imaginer. Donc on voit bien le cours d'eau et puis l'eau qui fait le tour de la pierre. En général, cependant, derrière la pierre, il y a des remous. Tout simplement parce que le fil de l'eau se rejoint derrière la pierre et il se rejoint de manière pas trop facile. Dans la cape d'invisibilité qu'on a réalisée à Orsay et puis aux États-Unis, on s'est arrangé pour que les deux ondes fassent le tour de l'objet et se reconstituent parfaitement derrière la cape. Et c'est ça la difficulté de la cape d'invisibilité qui avait été proposée par Pendry, c'est qu'il fallait vraiment reconstituer le front d'onde qui arrivait sur la cape, et il fallait le reconstituer derrière la cape, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perception visuelle possible pour un observateur situé derrière la cape. Voilà. La cape d'invisibilité, vous n'utilisez pas ce terme pour me faire plaisir ou faire plaisir aux auditeurs, c'est le terme qu'a retenu la recherche effectivement dans le camouflage et la réfraction des ondes électromagnétiques, Sébastien Guénaud. Oui, tout à fait. Donc les Anglais parlent de cloaking. Cloak, ça signifie cape. Donc vraiment, on parle de la physique du cloaking, la physique de la cape. Et par ailleurs, pour reprendre un peu ce que disait André, donc nous physiciens, comment est-ce qu'on détecte qu'il y a la présence d'un objet? C'est par exemple, il y a un changement dans l'amplitude ou dans la phase d'une onde. Donc il faut vraiment arriver à corriger toute perturbation en amplitude et en phase. Et c'est quand même quelque chose d'assez délicat qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de faire pour les ondes visibles. Mmh. Donc on va parler de micro-ondes qui sont en fait des longueurs d'onde qui ne concernent pas l'œil humain. Qui sont des ondes plus grandes, on en reparlera tout à l'heure. Peut-être faut-il, pour commencer, poser quelques jalons pour qu'on comprenne bien en quoi vont consister ces travaux autour du cloaking et autour de la réfraction des ondes, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, qu'elles soient élastiques ou électromagnétiques. Je l'ai dit d'ailleurs, la réfraction, André Lustac, qu'est-ce que c'est que cet indice de réfraction? Pourquoi c'est important de comprendre en quoi cela consiste? Alors, on parle d'indice de réfraction pour les milieux transparents. Les milieux transparents sont traversés par la lumière. Et la lumière, alors le premier milieu transparent que l'on connaît, c'est l'air, tout simplement. Et la lumière a une vitesse dans l'air d'environ 300 000 km par seconde. Et lorsqu'on prend du verre ou lorsqu'on prend de l'eau transparente, de l'eau pure, la lumière traverse ces milieux, mais avec une vitesse différente. Et du coup, on calcule l'indice de réfraction en faisant le rapport entre la vitesse de la lumière dans l'air et la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Et à partir de cet indice de réfraction, on peut calculer par exemple le changement de direction d'un rayon lumineux lorsqu'il arrive à l'interface, à la frontière entre deux milieux transparents. C'est ce qu'on observe par exemple quand vous mettez une cuillère dans un verre d'eau, vous apercevez que l'image est déformée, une partie de la cuillère se déplace, et c'est dû à cette réfraction. Du fait que l'air et l'eau n'ont pas le même indice de réfraction. Et du coup, la recherche va consister à obtenir, Sébastien Guénaud, un indice de réfraction négatif, précisément pour réfléchir, détourner ces ondes électromagnétiques. Oui, tout à fait. La difficulté, c'est qu'on veut faire suivre aux ondes des trajectoires impossibles. Donc, d'où le concept de réfraction négative, c'est-à-dire que la direction prise par l'onde à l'interface entre deux milieux n'est pas celle qu'on s'attend à voir. Donc c'est comme si votre cuillère plongée dans un liquide se courbait du mauvais côté. Et donc ça, c'est un concept qui est quand même assez novateur, donc qui avait été introduit par Victor Vesselago il y a une cinquantaine d'années. En 1967. Mais, voilà, donc ça fait quand même un petit moment. Et cet article n'avait pas eu beaucoup d'impact à l'époque parce que c'était un article qui est trop avant-gardiste. Il a été relu par Pendry des années après. Et Pendry a eu cette idée de génie de se dire « mais on peut les réaliser, ces milieux d'indices négatifs, avec notamment le fameux anneau fendu ». Alors on va reparler de cet anneau fendu, on va reparler de ces matériaux qu'on dit à infraction négative ou à main gauche. Peut-être faut-il dire un dernier mot pour pouvoir avancer précisément dans l'avancement de la recherche depuis Vesselago jusqu'à Pendry et jusqu'aux travaux actuels. Peut-être faut-il dire un mot, André de Lustrac, de ce qu'on entend par métamatériaux, parce qu'aujourd'hui, dans la nature, il n'existe pas de matériaux que l'on connaisse à réfraction négative. Alors, il n'existe pas de matériaux à réfraction négative dans la nature. Par contre, l'indice de réfraction est lié à la fois à deux propriétés électromagnétiques des matériaux. Cet indice de réfraction, il est lié à la permittivité du matériau, c'est-à-dire à sa réponse à un champ électrique. Et il est lié à la perméabilité du matériau, c'est-à-dire sa réponse à un champ magnétique. Et en gros, l'indice de réfraction est inversement proportionnel au produit des deux. Il est proportionnel au produit des deux. Ce qui se passe, c'est que par exemple, il existe des matériaux un peu bizarres qu'on appelle les plasmas. Quand vous prenez par exemple un tube néon, à l'intérieur du tube néon, vous avez un gaz qui est dit ionisé, c'est-à-dire il a perdu des charges électriques, donc il est constitué de charges électriques. Et ce gaz ionisé, c'est ce qu'on appelle un plasma. Et ce plasma a une permittivité négative. Par contre, il n'a pas de perméabilité négative. Et pour avoir un indice de réfraction négatif, il faut avoir simultanément une permittivité négative et une perméabilité négative. Et ça, a priori, on n'en a jamais trouvé dans la nature. Et ça a été vraiment le chef-d'œuvre de John Penry. John Penry avait, dans un premier article, montré que lorsqu'on prenait, par exemple, des fils métalliques très fins, on pouvait obtenir une permittivité négative à certaines fréquences. Mais ce qui a été vraiment son apport qui a fait le succès des métamatériaux, c'est qu'il a montré dans un deuxième article qu'on pouvait obtenir le même résultat, mais avec des petites boucles métalliques fendues. Ces petites boucles métalliques réagissaient au champ magnétique, et en réagissant au champ magnétique, elles présentaient une perméabilité négative. Et du coup, en réunissant ces fils métalliques d'un côté très fin et ces petites boucles métalliques en les mélangeant dans un matériau, on pouvait enfin obtenir un matériau à indice négatif, c'est-à-dire à avoir simultanément une permittivité négative, une perméabilité négative. C'était le premier métamatériau de l'histoire, créé de la main de l'homme. Et on a appelé, alors du coup, les gens ont cherché des noms pour ces nouveaux matériaux artificiels. Parce que des matériaux artificiels en micro-ondes, il y en a un certain nombre qui existent pratiquement depuis l'invention de la radio. Et puis surtout l'invention du radar. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, on a inventé la radio. Dans les années 40, 30 et 40, on a inventé le radar. Et à partir de là, les gens se sont mis à travailler sur des matériaux artificiels, soit pour contrôler les ondes radar, soit pour les absorber, etc. Mais c'était des matériaux artificiels fabriqués. Par contre, le métamatériau proposé par John Penry allait au-delà des propriétés à la fois des matériaux naturels et des matériaux artificiels. Et c'est pour ça qu'on a choisi de les appeler des métamatériaux, au sens du préfixe méta qui veut dire « au-delà de ». Et c'est pour ça que ce terme a eu du succès par la suite. Sébastien Guénaud, quels seraient vos compléments de définition pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, de quoi sont constitués ces métamatériaux et de quelle façon on permet, même si André de Lustrac vient de le dire, nous permettre d'obtenir une réfractivité négative. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'onde lumineuse, c'est ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Donc il y a une partie électrique et une partie magnétique au champ. Et la permittivité, on l'appelle aussi la permittivité électrique, donc elle permet surtout de contrôler la composante électrique du champ. Et la difficulté qui a été surmontée par John Penry, c'était d'introduire ces anneaux fendus qui font du magnétisme artificiel, qui permettent de contrôler par le truchement de la perméabilité la composante magnétique de la lumière. Donc si vous ne contrôlez qu'une des deux composantes, vous ferez une cape d'invisibilité presque parfaite. Mais pour vraiment faire une belle cape, il faut à la fois le contrôle de la partie électrique et de la partie magnétique de la lumière. Et donc, effectivement, comme ça a été dit par André, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc cet article de 1998, donc on fête le 20e anniversaire de la découverte des anneaux fendus de John Penry pour le magnétisme artificiel. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de Cape d'invisibilité. Ce n'est pas une émission consacrée à Harry Potter, mais de ces métamatériaux qui permettent une réfraction négative des ondes électromagnétiques et de la lumière, puisque c'est l'objectif final. Mais vous allez voir qu'il reste encore quelques étapes pour y arriver. Nous en parlons avec André de Lustraquet, qui est avec nous ici à la Maison de la Radio, et avec Sébastien Guénaud, qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Provence à Aix. Peut-être aussi redire un mot rapidement avant de revenir effectivement sur ces 20 ans hein, de ce premier matériau gaucher, comme on l'appelle, à indice de réfraction négatif de John Penry. Peut-être dire un mot, André de Lustrac, de pourquoi voit-on un objet ? Qu'est-ce qui fait que nous, êtres humains, nous distinguons concrètement un objet, cette bouteille d'eau par exemple ? Parce qu'on a des yeux. Ça, c'est une bonne réponse, c'est une réponse biologique, mais j'attendais une réponse physique plutôt. Parce qu'on reçoit de la lumière émise par cet objet, enfin émise ou réfléchie par l'objet en question. Et suivant les fréquences des ondes lumineuses réfléchies par l'objet, l'objet aura une couleur ou une autre. Alors, moi, je voulais revenir quand même sur la cape d'invisibilité, parce que dans la cape d'invisibilité, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour que l'onde fasse le tour d'un objet. Or, il faut bien voir que lorsque l'onde fait le tour d'un objet, il n'y a pas de réfraction négative dans une cape d'invisibilité. Ce qu'on fait, c'est qu'on module l'indice de réfraction de la cape d'invisibilité autour de cet objet, de façon à courber les rayons lumineux autour de cet objet. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans un désert, quand on voit un mirage ou quand il fait chaud sur une route en plein été. On a l'impression que, par exemple, il y a une couche d'eau sur la route. En réalité, c'est les rayons lumineux qui sont courbés par la chaleur de l'air et qui arrivent dans l'œil humain. Et donc, dans la cape d'invisibilité, on contrôle cet effet de mirage exactement. Mais il n'y a pas de réfraction négative dans une cape d'invisibilité. Par contre, il y a un phénomène qui est assez spectaculaire, c'est qu'on fait cheminer le rayon lumineux plus vite que sa vitesse dans l'air. C'est-à-dire qu'on dépasse 300 000 km par seconde dans une cape d'invisibilité. Alors, il va falloir nous expliquer ça, parce que là, dans deux secondes, vous allez nous expliquer que vous avez trouvé la solution pour contourner les lois de la relativité générale. Non, et on va recevoir des noms d'oiseaux ou des mots d'auditeurs qui ne comprennent pas. Comment se fait-il que dans une cape d'invisibilité, la lumière se déplace plus vite que dans l'air ? Et c'est parce qu'on veut reconstituer, si vous voulez, la cape d'invisibilité reçoit un front d'onde, c'est-à-dire les rayons lumineux qui arrivent sur elle. Mmh. Et comme l'image que vous avez prise tout à l'heure, l'eau fait le tour du caillou dans la rivière, là c'est la lumière qui fait le tour de l'objet. Sauf que lorsqu'elle arrive de l'autre côté de l'objet, il faut qu'elle arrive en même temps qu'un rayon lumineux qui aurait traversé l'objet en ligne droite. Et comme elle a parcouru un chemin qui est plus grand, puisqu'elle a fait le tour de l'objet, cela signifie que sa vitesse était plus grande que la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, il se trouve que ça ne contrevient pas à la relativité restreinte ou générale, tout simplement parce que c'est une vitesse de phase qu'on contrôle. C'est pas l'énergie lumineuse que l'on contrôle. On s'arrange pour justement moduler la phase de l'onde lumineuse, de façon à ce que sa vitesse apparente dépasse la vitesse de la lumière dans le vide. Sébastien Guénaud, un mot sur ce truc qui fait que la vitesse d'une cape d'invisibilité, la vitesse du rayon lumineux est plus grande autour de la cape d'invisibilité que lorsqu'elle la traverse. Oui, en fait, comme le disait André, il y a aucune brisure de causalité. Et donc par ailleurs, effectivement, si jamais la vitesse de phase ne dépassait pas celle de la vitesse de phase de la lumière dans le vide, on verrait un front d'onde déformé derrière la cape d'invisibilité, c'est-à-dire qu'il y aurait un retard de phase qu'on pourrait mesurer. Donc on est vraiment forcé de dépasser 300 000 km par seconde dans le métamatériau. Et qui plus est, une autre façon de voir les choses aussi pour se dire, bon, on ne fait pas de choses qui sont insensées, c'est cette cape d'invisibilité, elle va fonctionner à une fréquence. Donc c'est la fréquence de résonance de ces fameux anneaux fendus. C'est-à-dire que si vous faites la même expérience en changeant un peu la fréquence donc de l'onde émise, vous observerez le retard de phase. Donc ça, c'est vraiment un phénomène, enfin un point très important. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut cacher Harry Potter dans sa cape, il faut qu'on arrive à contrôler toutes les fréquences de l'onde dans le spectre visible. Mmh. Et ça, c'est juste impossible. On n'y arrivera jamais, quoi. On n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que vous pensez que ça, c'est pas juste une question de développement technologique. André de Lustrac. On n'y arrivera jamais au sens rigoureux ou mathématique du terme, si vous voulez. Mais il est possible qu'on y arrive de manière approximative. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on veut faire ? Enfin, qu'est-ce que veut Harry Potter lorsqu'il se met sous sa cape ? Il veut devenir invisible. Donc, par conséquent, il veut que son image disparaisse. Et son image, on peut la faire disparaître de multiples façons. Et lorsqu'on a fabriqué la première cape d'invisibilité, cette première cape d'invisibilité, elle était volumineuse, elle pesait lourd, elle était compliquée à fabriquer. Parce qu'il s'agit, on parle de cape, il faut préciser aux auditeurs qu'il s'agit plus de cylindres, en fait, voilà. Qui sont des cylindres effectivement relativement massif. Volumineux, massifs, dans lesquels on place un objet qui détourne la lumière autour. En gros, le cylindre a un diamètre 3 fois supérieur à l'objet qu'il doit dissimuler. Mais on a continué à travailler sur des systèmes d'invisibilité et en particulier, il y a eu, après cette première génération de capes d'invisibilité, il y en a eu deux autres. Il y a eu une deuxième génération qui ressemblait fortement à la cape d'Harry Potter. C'est ce qu'on a appelé les carpet cloaks, c'est-à-dire les tapis d'invisibilité, au sens où c'était un grand objet que l'on mettait, que l'on plaçait sur un petit objet pour le dissimuler. Ce sont des métasurfaces. Alors, on va en reparler dans un instant. On arrive donc à des... Alors, les carpet cloaks étaient encore assez volumineuses comparées à l'objet à dissimuler. En gros, c'était toujours 2 ou 3 fois plus épais que l'objet à dissimuler. C'est-à-dire qu'en gros, on utilisait le même principe que dans la cape d'invisibilité, la première version, sauf que c'était tendu sur l'objet. Par contre, dans la troisième génération, on a cherché à utiliser un concept qui était complètement différent. On continue à utiliser un phénomène de résonance, mais on s'arrange pour qu'il y ait des interférences entre l'onde qui arrive et l'onde qui est créée par résonance dans la métasurface, dans la cape, pour annuler l'onde qui arrive et éviter qu'il y ait une réflexion ou quoi que ce soit. Et ça, c'est beaucoup plus proche d'une cape, c'est-à-dire... Là, on a des dimensions qui sont petites devant la longueur d'onde. Typiquement, c'est 1/100 de longueur d'onde. Ça peut être souple, donc ça peut recouvrir un objet de forme quelconque. Et ça peut se manipuler facilement, c'est-à-dire qu'on peut le disposer sur un petit objet, un grand objet, etc. Et par exemple, on a essayé de rendre invisible pour des ondes radar un objet aussi grand qu'une éolienne. Et on y est quasiment arrivé. Parce que ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas une cape d'invisibilité parfaite, au sens où on reconstitue parfaitement le front d'onde derrière. Par contre, ça remplit la fonction de rendre invisible un objet qui peut être de forme quelconque et de taille quelconque. Et ce qui est important, c'est que vous venez de parler d'ondes radar. Peut-être qu'il faut revenir effectivement à cela, Sébastien Guénaud. C'est-à-dire qu'on parle de cape d'invisibilité. Et pour les auditeurs, on imagine effectivement que l'on parle des ondes lumineuses, c'est-à-dire de la lumière visible, de ce que nous voyons, ce qui nous permettrait de dissimuler totalement au regard humain un objet dans l'intégralité des longueurs d'onde de la lumière visible. Et c'est là que vous disiez que c'était très très compliqué, qu'on n'y arriverait peut-être pas. En fait, il faut passer aux échelles supérieures et dire que les premières capes d'invisibilité, elles fonctionnent sur des longueurs d'onde plus grandes, et notamment, par exemple, sur les micro-ondes qui sont plus grandes que les ondes lumineuses. On sait aujourd'hui dissimuler un objet aux yeux, entre guillemets évidemment, d'un détecteur de micro-ondes. Donc déjà, il faut, pour expliquer donc aux auditeurs qu'est-ce que le spectre visible, garder en tête que le spectre visible, ça va grosso modo de 350 à 700 nanomètres. Donc, c'est submicrométrique. Et si on veut contrôler avec les métamatériaux les ondes du spectre visible, il faut qu'on arrive à faire des petits motifs de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Donc, on se rapproche d'une limite qui est quasiment celle qu'on a au niveau de la technologie actuelle. Et ça, c'est pour les longueurs d'onde du visible. Si par contre, on fait maintenant un facteur d'échelle et qu'on s'intéresse aux longueurs d'onde des télécommunications, typiquement 1,5 micromètre, on n'a plus ce problème de la technologie et on peut effectivement commencer à fabriquer des métasurfaces qui épousent la forme de certains objets sur des surfaces et les soustraire aux ondes lumineuses. Donc, Bon, les gens pensent de suite aux applications militaires. Éventuellement militaires. Mmh, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, cet aspect. Mmh. Je préfère faire un facteur d'échelle supplémentaire et me dire quelle pourrait être l'application d'une cape d'invisibilité dans le civil. Et ben, notamment pour contrôler les ondes sismiques. Les ondes sismiques, elles font quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres de longueur d'onde. Et donc là, si vous voulez faire de la microstructure, bah, il suffit de faire des trous dans le sol. Et bon, les gens peuvent se dire, mais à quoi ça peut servir une cape d'invisibilité pour les ondes sismiques? Bah, on va reprendre le personnage d'Harry Potter. Si Harry Potter est sous cape, les ondes lumineuses ne parviennent pas à Harry Potter. C'est-à-dire que s'il est sous sa cape, il ne voit pas le monde extérieur. Il est dans le noir le plus complet. Et donc, si maintenant on place un bâtiment sous une chape sismique, les ondes sismiques ne parviendront pas au bâtiment. Donc, ce bâtiment sera protégé. Et c'est l'idée donc, de faire le changement d'échelle, donc des échelles nanométriques aux échelles métriques, qui moi, m'intéresse le plus. Voilà, donc... Sinon, effectivement, si on s'intéresse aux longueurs d'onde centimétriques, les longueurs d'onde radar, il y a aussi tout un tas d'applications civiles qui peuvent émerger. Puis bon, comme par exemple aussi, on va plutôt s'intéresser par exemple à la téléphonie mobile. On va se dire, tiens, on voudrait protéger le cerveau des utilisateurs des téléphones portables. Et pour ce faire, on peut tout à fait utiliser une cape d'invisibilité. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vient de décrire Sébastien Guénaud pour les ondes sismiques, ça marche aussi en hydrodynamique, par exemple, André de Lustrac. Ça marche en hydrodynamique, ça marche en thermique aussi, ça marche en acoustique. Pour les ondes sonores ? Pour les ondes sonores, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des capes d'invisibilité dans pratiquement tous les domaines où on a un phénomène de propagation d'ondes, que ce soit des ondes de matière, des ondes électromagnétiques, des ondes... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre, des ondes thermiques, etc. Et c'est quasiment en général. Et il y a même un théoricien anglais qui a imaginé une cape historique. Parce que qu'est-ce qu'on fait exactement dans une cape d'invisibilité ? Dans une cape d'invisibilité, on module, on fait de l'ingénierie d'indices de réfraction. Et en l'occurrence, on accélère la lumière par rapport à la lumière dans le vide. On la fait aller plus vite. Mais on peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire on peut très bien la ralentir et à la limite la geler. C'est-à-dire si vous avez un matériau qui a un indice de réfraction très élevé, la lumière va se déplacer très lentement à l'intérieur. Si en plus vous faites ce qu'on fait nous à Orsay, c'est-à-dire qu'on essaye de moduler par une commande extérieure l'indice de réfraction du matériau, vous pouvez à volonté ralentir la lumière ou l'accélérer. Et quand vous observez un phénomène, par exemple une voiture qui passe dans la rue, cette voiture vous la voyez parce qu'elle vous renvoie de la lumière et puis qu'elle coupe le faisceau lumineux qui est arrivé sur vos yeux. Vous pouvez très bien imaginer que la lumière qui arrive derrière la voiture est ralentie, freinée, la voiture passe, et ensuite elle est accélérée pour arriver sur votre œil, et à ce moment-là, vous n'aurez pas vu la voiture. Donc vous pouvez fabriquer une cape qui est une cape historique. Temporelle. Temporelle. Vous pouvez supprimer un événement à volonté si vous êtes capable de fabriquer des matériaux à indice de réfraction contrôlé. Pour le moment, et ça, c'est grâce. Mais ça reste très théorique pour le moment, André de Lustrac, parce que là aussi, on va recevoir une certaine de littérature sur Internet. Non, mais... Non, en fait... Sébastien Guénaud. Oui, André parlait de Martin McCall. Donc, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que Martin McCall est professeur dans le même département que John Pendry. Mm-hmm. Et donc, d'ailleurs, John Pendry a recruté Martin McCall il y a quelques années à l'Imperial College. Et donc, c'est au cours de discussions que ces deux personnes en sont venues à faire émerger un peu ce concept publié donc, il y a 5 ou 6 ans par Martin McCall, donc de cape historique. Et donc, 2 ans après l'article fondateur de Martin McCall, il y a eu un papier publié dans Nature par l'Université de Cornell où ils ont effectivement démontré expérimentalement qu'on peut soustraire un événement. Ils l'ont fait dans une fibre optique. En contrôlant la dispersion temporelle. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ça a été démontré par des gens qui sont très sérieux. Donc, on peut soustraire un événement au regard d'observateur. Donc, on peut imaginer tout un tas de choses totalement folles. Et qui plus est, il y a aussi, plus fort que la cape d'invisibilité, il y a le trou de ver électromagnétique qui a été proposé par une équipe donc, de Rochester, l'équipe d'Alan Greenleaf, où ils reprennent la théorie d'Einstein. Donc, vous avez un trou noir, vous avez un trou blanc. Puis, entre les deux, vous avez un tunnel qui vous permet, en fait, de traverser... l'espace et le temps de manière totalement ad libitum, comme vous voulez, quoi. Vous allez d'un point à un point B. De passer d'un point A à un point B, voilà. Ouais. On va en parler, on va faire une émission consacrée au pont d'Einstein-Rosen la semaine prochaine, figurez-vous. Écoutez, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a été proposé donc il y a une dizaine d'années et que donc il y a des équipes qui l'ont même réalisé expérimentalement pour les ondes magnétiques. Le trou de verre. Voilà. C'est assez facile à réaliser à l'aide de métamatériaux. Oui, Mais attendez, il faut quand même modérer les choses. Ça n'est pas un vrai trou de verre. Non, c'est pour les ondes électromagnétiques. Oui. Mmh. C'est un tunnel. En réalité, c'est un tunnel électromagnétique. Invisible. Voilà, c'est un tunnel invisible. Vous prenez une cape d'invisibilité, vous la déployez sous la forme d'un cylindre et vous avez l'équivalent presque d'un trou de verre. Sauf que ça n'est pas un trou de verre. C'est-à-dire, vous reliez deux points de l'espace et vous les reliez de manière invisible pour un observateur extérieur. Mais ça n'est pas un trou de ver au sens gravitationnel du terme. Voilà, donc on vient d'apprendre au cours de cette heure que la lumière pouvait aller plus vite que la lumière et que les trous de ver existaient au moins pour les ondes électromagnétiques. Restez, vous allez voir, il nous reste encore une demi-heure intéressante à passer. La méthode scientifique, Nicolas Martin. On ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est palisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Fricbuche, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache et cache tambon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. On nous cache tout de Jacques Dutronc sur France Culture à 16h35. On nous cache tout puisque nous parlons de cap d'invisibilité tout au long de cette heure. Nous en parlons avec André de Lustrac qui est professeur à l'université Paris-Nanterre, chercheur au centre des nanosciences et des nanotechnologies de l'université Paris-Sud à Orsay et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Provence à Aix avec Sébastien Guénaud qui est physicien, directeur de recherche CNRS à l'Institut Fresnel d'Aix-Marseille Université. Alors l'un des inconvénients majeurs des métamatériaux c'est leur taille, leur encombrement, on en parlait tout à l'heure. Pour le moment, ils sont encore relativement imposants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur ce qu'ils appellent des métasurfaces. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Université Paris-Sud au Centre des nanosciences et des nanotechnologies en quête précisément de cette fameuse cape d'invisibilité. Oui, comme vous l'avez dit, les métamatériaux prennent beaucoup de place. Ils sont lourds, difficiles à fabriquer et en plus, ils n'assurent pas une invisibilité totale. Alors, certaines équipes construisent des métasurfaces. Alors, ce sont des capes d'invisibilité en couches très minces pour des applications pratiques et surtout adaptées aux situations réelles. Par exemple, pour rendre un objet totalement indétectable, comme par exemple une aile d'avion. Pour comprendre cette technologie, je suis allée dans votre laboratoire, André de Lustrac, voir votre thésard. Il s'appelle Badreddine Rahni et il travaille actuellement sur des prototypes de métasurfaces. Les métasurfaces, donc on passe aujourd'hui des structures 3D qui sont les métamatériaux. Donc ils ont été très largement développés pendant un bon moment. Donc ensuite on passe maintenant sur des structures très fines, donc qu'on appelle les métasurfaces. Alors ces métasurfaces, c'est un ensemble de résonateurs. Et puis en fait, ce qu'on fait principalement, c'est qu'en contrôlant donc des interférences constructives ou destructives des ondes, donc cela nous permet de contrôler de manière générale les ondes, c'est-à-dire les focaliser ou les orienter suivant une direction. Dans quel domaine d'ondes on se retrouve là ici ? Donc en fait, moi j'ai travaillé dans la gamme des fréquences allant de 1 jusqu'à une trentaine de gigas dans les micro-ondes. Au départ, donc, on réalisait des métasurfaces passives. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir ici, l'élément, en fait, la structure élémentaire qui constitue la métasurface, elle est passive. C'est-à-dire que la réponse dépend de la géométrie de cette structure. Donc, en changeant les dimensions géométriques, on fait varier la réponse de cette structure. Alors, moi, j'ai travaillé sur des structures reconfigurables. C'est-à-dire, on ajoute des éléments actifs, enfin, des diodes varactor ou des, peu importe, des diodes PIN, tout dépend de l'application. Donc, on rajoute ces éléments qui permettent, en fait, tout en contrôlant de manière électronique, c'est-à-dire appliquer une tension, on contrôle la réponse de cet élément-là. Et donc, ce type de structure, en fait, il nous permet d'utiliser une seule structure pour différentes applications. Voilà. Alors là, en fait, on va dans la salle de mesure. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette table ? Donc, en fait, on a ici une manip de cartographie champ proche. C'est-à-dire là, ce que vous observez ici, c'est la métasurface que je vous ai présentée tout à l'heure. Bon, c'est un prototype, donc vous voyez un peu l'état. Donc cette métasurface, en fait, elle permet d'avoir plusieurs fonctionnalités en fonction des tensions qu'on applique. Là, pour une application autour de 10 gigas, la dimension de cette métasurface, elle est de 18 cm. Donc du coup, là, on a ici, en fait, une antenne qui permet de générer les ondes électromagnétiques. Et donc, qui vont se propager et qui vont être réfléchis par cette métasurface. Donc ici, on est principalement sur du 1 m 10, 1 m 20. Et donc après, en appliquant les tensions souhaitées, donc on vient récupérer le signal qui est réfléchi par la métasurface sur cette sonde électro-optique. Voilà. Donc cette sonde, en fait, elle va cartographier, mesurer le champ électrique sur chaque point de cet espace. Donc visualiser en fait une image de ces ondes-là. Donc à travers ce banc de caractérisation. Ces données, donc ces mesures-là, donc sont faites par l'analyseur de réseau. Et puis nous, on récupère les fichiers en fait, et puis on les retrace avec MATLAB. C'est tout simplement en fait, on trace uniquement en fait l'intensité en fonction de la position de l'espace. On a ici aussi une chambre anéchoïque, donc en acoustique ou en micro-ondes. En fait, toutes les surfaces de la chambre sont recouvertes par des absorbants et qui permettent d'absorber en fait pour éviter des échos et donc pour caractériser uniquement l'antenne sous test ou enfin même une antenne en acoustique. C'est un peu une chambre sourde. Voilà, en quelque sorte. Donc on a ici un bras motorisé où on va placer notre dispositif sous test. Donc, comme vous pouvez voir ici, on peut démonter et faire démontage comme on le souhaite. Et de l'autre côté, en fait, en réception, donc on met une antenne en réception qui va mesurer en fait l'intensité du champ rayonné. comme le dispositif qu'on vient de voir. Voilà. Par contre, là, on est vraiment sur du champ lointain, c'est-à-dire sur des dimensions très loin par rapport à l'élément rayonnant, alors qu'en cartographie champ proche, on est vraiment très très proche de l'élément rayonnant. Donc du coup, vous pouvez tester des situations différentes pour des applications différentes ? Exactement. Par exemple, pour de l'holographie, on fait par exemple l'holographie en champ proche. Et donc là, on va se mettre plutôt dans le dispositif de mesure champ proche. Alors qu'en rayonnement, par exemple, on va voir la capacité de l'élément rayonnant à diriger les ondes suivant une direction bien précise. Donc je travaille sur ce projet-là, ça fait pratiquement une année. Après, ça ouvre en fait la voie vers plusieurs applications. On peut chercher à améliorer les performances ou avoir d'autres type d'application avec ces structures-là. Voilà le reportage du jour sur ces méta-surfaces. André de Lustrac, c'est chez vous, ce sont vos travaux, un mot sur ce reportage. Alors, ce qui est intéressant dans ce concept de méta-surface, c'est qu'on essaye de concentrer toutes les propriétés des métamatériaux. Alors, certaines, hein, pas toutes, parce que on n'y arrive pas systématiquement, mais on essaye de concentrer toutes les propriétés intéressantes sur une surface. Et du coup, ce concept de métasurface, en ce moment, il a énormément de succès dans une foule de domaines d'application. Nous, on travaille beaucoup sur des antennes, mais on peut en faire des miroirs intelligents, des miroirs reconfigurables. On a montré, par exemple, récemment que une simple feuille qui a en gros l'épaisseur d'une feuille de papier, un petit peu plus épais, de 1 mm d'épaisseur à peu près, peut se comporter comme un miroir parabolique de taille quelconque, de forme quelconque. Et ceci à la commande, c'est-à-dire qu'il suffit d'un réglage extérieur de l'utilisateur pour modifier ce comportement virtuel de cette métasurface. Et l'intérêt de ces métasurfaces, c'est qu'on peut les fabriquer en grande série. C'est des méthodes de fabrication qui sont à très bas coût. C'est du circuit imprimé classique électronique de base. Et surtout, c'est des surfaces souples, mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut les adapter à des formes d'objets quelconques. Du coup, on a un certain nombre de contrats avec des grands industriels pour développer des applications de ces métasurfaces. Alors, c'est principalement dans le domaine micro-ondes, tout simplement parce que dans le domaine micro-ondes, on peut utiliser facilement des composants électroniques et rendre configurables ces métasurfaces facilement. Mais on travaille aussi dans le domaine optique à fabriquer des composants optiques à base de métasurfaces. Et là, on utilise par contre des motifs nanométriques, des fils mm-hmm. nanométriques qui font 100 nanomètres de long sur 50 nanomètres et d'épaisseur et 50 nanomètres de largeur. Alors, le nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Hein. C'est vraiment tout petit. C'est mm-hmm. 10⁻⁹. Voilà. Mm-hmm. Et donc, en utilisant des réseaux de fils d'or nanométriques posés sur du silicium, on arrive à guider la lumière exactement comme on le fait dans une cape d'invisibilité. Alors, on va revenir sur ces nanomatériaux, entre guillemets, et notamment sur les ondes lumineuses qui ont pu être réfractées dans le domaine de l'infrarouge. Il y a une publication de 2015 d'une équipe de Berkeley qui va dans ce sens. Un mot tout de même, Sébastien Guénaud, sur ces métasurfaces et sur leurs différentes applications, et sur ce reportage en général. Oui, c'est passionnant. Je vais encore faire un facteur d'échelle parce que le groupe de Philippe Roux, donc de l'Institut des sciences de la Terre ISTER à Grenoble, a mis en avant le concept de métasurface sismique pour des forêts d'arbres. Donc maintenant, vos petits résonateurs à l'échelle nanométrique ou micrométrique donc, dont a parlé André, vous leur faites faire un facteur d'échelle et ce sont des arbres. Mmh. Et les ondes que vous contrôlez, ce sont des ondes de surface dites ondes de Love et ondes de Rayleigh qui sont les plus délétères dans les tremblements de terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les premières expériences ont été menées en 2015 avec des résultats très probants, donc expérimentaux, sur les ondes sismiques dans les forêts d'arbres qui sont des métasurfaces, donc à une échelle métrique. À une échelle méga, ce sont des méga métasurfaces, en quelque sorte. Voilà, mais toujours sur le même système. Hein, c'est-à-dire qu'on utilise là les arbres comme des résonateurs. Donc au lieu d'avoir les petites résonances de type anneau fendu, eh bien, ce sont des résonances métriques avec des arbres. On va vous renvoyer d'ailleurs à l'émission que nous avions consacrée à la sismographie et à ces ondes, à ces différentes ondes sismiques il n'y a pas très longtemps. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. J'aimerais vous faire réagir justement, puisque c'est ce que vous disiez, hein, on l'a entendu tout à l'heure, Sébastien Guénaud, vous disiez bien dans le domaine du visible, ça va être compliqué parce que les longueurs d'onde de la lumière visible sont vastes, elles sont extrêmement petites à l'échelle nanométrique. Néanmoins, ce que vous venez de dire sur les nanoparticules d'or, il y a une publication de Science en 2015, d'une équipe de Berlay, qui a précisément réussi à rendre un objet 3D de la taille de quelques cellules biologiques invisibles en lumière infrarouge. Donc ça veut dire qu'on commence à réussir à créer des câbles d'invisibilité aux frontières de la sphère du visible. Oui, on travaille. Ça fait 30 000. Voilà, les structures qu'on utilise et qu'on développe sont des structures qui fonctionnent en infrarouge. C'est-à-dire, alors la longueur d'onde, c'est 1,55 micron. Mm-hmm. Et les longueurs d'onde du visible, c'est beaucoup plus petit. C'est entre 0,4 et 0,7 micron. C'est comme l'a dit Sébastien tout à l'heure. Et c'est vrai que on sait faire des structures assez facilement pour contrôler des rayonnements infrarouges. On pourrait le faire en lumière visible. Le problème, c'est la largeur du spectre visible. C'est-à-dire que le spectre visible n'est pas constitué d'une seule longueur d'onde, il est constitué d'un continuum de longueurs d'onde entre 0,4 et 0,7 micron. Par conséquent, il faudrait être capable de fabriquer des structures qui soient capables de contrôler la lumière à toutes ces longueurs d'onde simultanément. Alors, on a commencé à travailler là-dessus dans le domaine micro-ondes, il faut maintenant le transposer dans le domaine visible. Mais encore faut-il avoir les moyens technologiques, et c'est vrai qu'on est un peu aux limites des moyens technologiques actuels, pour le visible. Sébastien Guénaud ? Oui, donc effectivement, la publication dont vous parlez, c'est celle de l'équipe du professeur Zhang. Tout à fait. Et à l'époque, les médias français ont parlé de toison d'or, parce que c'est vrai que cette métasurface, qui faisait 30 micromètres de côté, elle épouse la surface et elle est vraiment très fine. Donc si on pouvait faire un facteur d'échelle de 10 000, 100 000, voire d'un million, on pourrait couvrir Harry Potter avec cette toison d'or et puis le rendre invisible. Mais vous vous rendez bien compte que là encore, c'est une limite déjà indépassable au niveau technologique, c'est-à-dire passer d'une métasurface qui fait 30 micromètres de côté à une métasurface qui fait 1 ou 2 mètres de côté, c'est dantesque, la difficulté. Bien entendu. Mais alors, je vais vous poser une question, puisqu'on arrive tout de même sur des longueurs d'onde nettement plus grandes, et notamment dans le domaine sonore. Le domaine sonore, les longueurs d'onde sonores s'étalent aussi sur plusieurs longueurs de fréquence. On peut supprimer... il est plus facile de supprimer un large spectre de fréquences sur des fréquences plus hautes que sur des fréquences nanométriques, Sébastien Guénaud ? Donc en fait, il y a eu de nombreuses avancées qui ont été faites sur les toisons d'or pour les ondes sonores. Et l'une de ces avancées a été faite par les physiciens du LOM, donc de l'Université du Mans en France, donc qui arrivent à faire des métasurfaces acoustiques qui épousent la forme d'objets métriques. Et donc ils peuvent soustraire ces objets aux ondes sonores. Donc, pour les ondes sonores, on y est déjà, ça marche. Mais il n'y a pas de problème, André Lustrac, justement, sur la largeur du spectre sonore par rapport à la largeur du spectre visuel. Ça ne pose pas le même type de problème. Le spectre sonore est large aussi. Voilà, mais c'est pour ça que je pose la question. Oui, puisque... On parle du spectre audible. Voilà. Le spectre audible est très réduit. Oui, hein. D'accord. Voilà, c'est ça surtout. On arrive vers la fin de cette émission. Pour conclure, on a parlé évidemment des applications. Vous en avez parlé tout à l'heure, Sébastien Guénaud. Vous avez expliqué que les applications militaires, finalement, ça vous intéresse assez peu. On imagine bien qu'on pense pas tout à fait la même chose du côté de l'armée aujourd'hui. André de Lustrac, vous savez si ces recherches ont des applications déjà d'ordre militaire. On sait que c'est le cas pour la diffraction d'ondes radar. Mais quels autres types d'applications peut-on imaginer ? Je ne crois pas qu'il y ait de recherche, peut-être en acoustique, mais pour ce qui est des métamatériaux et de l'électromagnétisme, il n'y a pas réellement d'application militaire pure et dure. Parce qu'il y a d'autres moyens, par exemple, pour un avion ou pour un bateau, de devenir invisible. n'y a pas besoin de cap d'invisibilité pour rendre un avion ou un bateau invisible. Mmh. Il suffit de réduire ce qu'on appelle sa signature radar. Et pour réduire sa signature radar, il faut le recouvrir de matériaux absorbants. Donc la cape d'invisibilité, les militaires s'en fichent un peu. Mmh. Les principes de la furtivité ne sont pas les mêmes que ceux de l'invisibilité. De l'invisibilité. Mmh. Par contre, du point de vue des applications en télécom et ou pour la protection électromagnétique des personnes ou des bâtiments, etc., il y a des développements intéressants. Et tout à l'heure, j'ai parlé de rendre invisible une éolienne. Pourquoi est-ce qu'on veut rendre invisible une éolienne ? C'est pour que ces éoliennes ne gênent pas, par exemple, les radars qui sont situés dans les aéroports, qui permettent aux avions d'atterrir. Il faut éviter que, si vous mettez un champ d'éoliennes dans le champ d'un radar, le radar ne voit plus rien. Par conséquent, il y a un certain nombre de constructeurs d'éoliennes qui commencent à vendre des éoliennes invisibles au radar, en utilisant des méthodes pour les rendre invisibles. Sébastien Guénot, sur ces diverses applications et sur le peu d'intérêt finalement du militaire pour cette cape d'invisibilité ? Oui, en fait, les applications se trouvent ailleurs, et notamment celui qui est vraiment le leader français au niveau des applications sismiques, c'est Stéphane Brûlé, donc qui est ingénieur en chef de l'entreprise Ménard du groupe Vinci. Brûlé, ça fait déjà quelques années qu'il réalise de l'amélioration de sol, c'est-à-dire qu'il rend les sols moins sensibles aux ondes sismiques. Et donc, il fait des métamatériaux sismiques donc pour améliorer donc les sols quand il construit par ailleurs des hôpitaux, des aéroports et autres. Et donc, il y a même un brevet qui a été déposé avec Stéphane Brûlé, l'entreprise Ménard, le CNRS, Centrale Marseille, enfin, Aix-Marseille Université, sur ces applications antisismiques. Et par ailleurs, donc, il y a un deuxième acteur aussi qui, en France, est vraiment leader mondial dans son domaine, c'est Guillaume Dupont, qui, lui, essaie de vendre des digues de nouvelle génération, donc qui ne sont pas des digues qui réfléchissent les vagues, mais qui les contrôlent. Donc maintenant, vous avez les vagues qui pénètrent les digues et qui sont redirigées vers des zones non habitées. Et donc, ce chercheur de Centrale Marseille, aujourd'hui, est en phase de commercialisation de ces capes d'invisibilité hydrodynamique. Donc les choses avancent, mais pas au niveau de la lumière du visible. C'est dans d'autres domaines qu'on verra vraiment la physique transformationnelle qui SM, qui permet de trouver des nouvelles solutions à des problématiques majeures, sociétales. Merci beaucoup à tous les deux, puisqu'il est 16h52, et comme tous les mercredis, c'est l'heure de la recherche montre en main. Oui, puisque chaque mercredi, un ou une jeune scientifique vient au micro de la méthode scientifique pour nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joseph Camel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse chez Système X et Télécom Paris Tech. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. Alors, les systèmes de transport intelligents se rapprochent de plus en plus de la phase de déploiement commercial auprès du public. Ces technologies présentent plusieurs avantages pour le confort des usagers et la sécurité routière, comme notamment diminuer le taux d'accident de route et diminuer le temps de parcours et les congestions. Ces systèmes de transport sont basés sur les échanges des informations entre tous les véhicules qui coopèrent pour partager leur perception de l'environnement. Mais attention, les communications entre véhicules peuvent aussi être exploitées par un attaquant pour nuire ou causer de dommages aux autres véhicules. Par exemple, le système de transport intelligent coopératif peut mener une voiture à freiner fortement au bon moment pour éviter un accident. Mais dans les mains d'un acteur malveillant, ce même système peut être détourné pour causer un frein brusque au mauvais moment et provoquer un accident. Un autre exemple peut être exploiter le fait que le véhicule essaye d'optimiser leur chemin en prenant en compte les congestions. Un acteur malveillant peut faire croire qu'il y a une congestion pour pousser les autres véhicules à changer de route. Ce changement de route peut être critique si le véhicule transporte un colis de grande valeur ou si par exemple c'est une ambulance. C'est donc important de s'assurer que les informations diffusées par les véhicules soient vraies et authentiques. Alors, je suis au sein du projet Secure Cooperative Autonomous Systems à l'Institut de Recherche Technologie CEMIX. L'équipe est constituée des partenaires académiques et industriels pour travailler à un système pour détecter et mitiger ces types d'attaques. Le système est composé de plusieurs parties, une partie locale où chaque véhicule va utiliser un algorithme de détection pour identifier les messages erronés. Le système local puis monte un rapport de sa détection vers une entité centrale. Cette entité va analyser le rapport reçu, déterminer la sévérité de l'incident et la réaction convenable. Cette réaction peut varier d'une simple amende à la révocation de droit de circuler. Mais il reste plusieurs enjeux critiques qui rendent la conception de ce système de détection. Alors, comme par exemple le respect de la vie privée. Un de nos objectifs, c'est d'éviter et d'empêcher la collecte de données à grande échelle et même le suivi de la position et de la localisation. Ce point aussi évoque le problème de l'acceptation d'un système de surveillance de véhicules. Même si l'objectif du système est de protéger un conducteur contre les attaques, est-ce qu'il va accepter que ce même système le rapporte quand lui-même il fait des excès de vitesse ou même rapporte les véhicules voisins? Un autre objectif, c'est d'assurer l'interopérabilité et la faisabilité de la solution. Comme on travaille avec des industriels, le système de détection est candidat au déploiement direct sur la route. Alors, on doit assurer une intégration transparente avec le système actuel. Nous devons également fournir un bon équilibre entre les coûts et les avantages. Et finalement, c'est d'avoir une haute précision et intelligence de la détection. Le système doit être capable de distinguer les intentions des mauvais comportements des acteurs. Cette distinction est importante pour déterminer la réaction convenable et protéger le système. La réaction auprès d'un véhicule avec un capteur cassé ne doit pas être la même qu'avec un attaqueur malicieux qui veut perturber le système et causer de dommages. Bref, un système pareil doit être présent dans tous les véhicules connectés. Merci beaucoup, Joseph Kamel, pour votre présentation. Puis je vais renvoyer les auditeurs aux émissions que nous avions consacrées à la ville du futur, au transport intelligent et à tous ces problèmes de connectivité. Et merci beaucoup donc pour votre intervention. Je vais remercier également mes deux invités. Merci André Delustrac. Merci beaucoup Sébastien Guénaud. Merci à nos camarades également de France Bleu Provence à Aix pour le duplex. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la recherche Montre en main ainsi que toutes les autres émissions de la méthode scientifique depuis le début de l'émission sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr ainsi que sur votre application de podcast préférée. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfron, Sarah Ejmans, Elisabeth Miro à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Allez, la suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire consacrée à la radicalisation des milieux d'extrême gauche après mai 68, dans le cadre de la semaine spéciale consacrée aux commémorations de mai 68 sur France Culture. C'est une série qui est signée par Christelle Le Polothèque et Christine Robert. Tout à l'heure, aux alentours de 18h20 après le journal, ce sera l'heure de retrouver du grain à moudre, présenté toute cette semaine par Émilie Chaudet. Émilie Chaudet qui demandera à ses invités s'il faut instaurer un droit au sommeil. Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous recevrons une invitée spéciale, Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Elle viendra nous parler et nous parlerons avec elle évidemment de politique et de financement de la recherche, des universités, du rayonnement scientifique de la France dans le monde, mais aussi du statut des chercheurs, de la valorisation du doctorat, des post-docs et de la course à la publication. Voilà, Frédéric Vidal dans la méthode scientifique, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.